Le premier intervenant, donc Patrick, vient nous parler du TAFTA. Bonjour. D'abord, merci à EducPop de me donner l'occasion de vous entretenir du projet de grand marché transatlantique. Ce projet de grand marché transatlantique, c'est un vieux rêve des multinationales, à la fois européennes et américaines, états-uniennes, qui ont plaidé pour l'installation de ce grand marché qui les fait rêver, qui est un marché unifié entre l'Europe, les États-Unis et le Canada, c'est-à-dire quelque chose comme 860 millions de consommateurs. La Commission européenne et les gouvernements européens, qui n'ont rien à refuser aux multinationales, ont donc entrepris de réaliser ce rêve des multinationales en signant des accords de libre-échange avec le Canada d'une part, c'est le CETA, et avec les États-Unis d'autre part, c'est le projet TAFTA. TAFTA, c'est quelque chose qui est en cours de négociation. Les négociations ont commencé en 2003. Elles se poursuivent. En ce moment même, on est au 13e cycle de négociations entre le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne. Le CETA, le Canada-Europe Trade Agreement, qui est, quant à lui, négocié. Les négociations ont commencé en 2009. Elles se sont terminées en 2013. Et cet accord devrait être soumis au Conseil des ministres européens en septembre prochain, puis au Parlement européen dans les mois suivants. C'est donc une menace extrêmement urgente et extrêmement pressante contre laquelle il est important que les citoyens se lèvent. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit donc de libéraliser les échanges entre l'Union européenne et l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. Ça passe par trois types de mesures. Première mesure, de tous les droits de douane sur tous les produits dans les échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Deuxième volet de ce projet, l'élimination des barrières non tarifaires. Alors j'expliquerai dans un instant ce que sont les barrières non tarifaires. Et troisième volet du projet, la libéralisation des échanges de services avec, comme je le montrerai, des menaces extrêmement graves sur les services publics. Alors, première mesure, l'élimination, la suppression de tous les droits de douane sur tous les produits dans les échanges entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Ça n'est pas un problème sérieux pour l'industrie dans la mesure où les droits de douane sur les échanges de produits industriels sont déjà extrêmement réduits, de l'ordre de 2,5% en moyenne sur l'ensemble des produits, alors que, vous le savez, le taux de change entre l'euro et le dollar peut varier de 40 à 50% en l'espace de quelques mois. Donc c'est marginal. Par contre, c'est une menace très sérieuse pour l'agriculture européenne, qui reste assez largement protégée. Il faut savoir que les droits de douane sur les produits céréaliers, par exemple, sont en moyenne de l'ordre de 50% et de 60% ou plus pour les produits de la filière animale. Donc la suppression de tous les droits de douane sur les produits agricoles présenterait un risque extrêmement sérieux pour l'agriculture paysanne européenne face à l'agriculture très industrialisée des États-Unis et du Canada. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'élimination des barrières non tarifaires. Alors, qu'est-ce que c'est que les barrières non tarifaires ? C'est l'ensemble des réglementations, des législations, des réglementations et des normes qu'elles portent sur l'environnement, sur le social ou sur le sanitaire. C'est évidemment le fait qu'il y ait des normes différentes et des législations différentes en Europe et aux États-Unis, c'est une gêne pour les multinationales, puisque leurs produits, si elles veulent le commercialiser à la fois en Europe et aux États-Unis, doivent répondre à deux systèmes de normes différents. Donc le rêve des multinationales, c'est de supprimer les différences entre les législations, les réglementations et les normes entre les États-Unis et l'Europe. Alors, ce dont ils parlent, c'est de l'harmonisation des normes et des législations entre les deux zones. C'est en pratique totalement impossible. Il y a des centaines de milliers de normes. Pour la seule industrie automobile, on considère qu'il y a environ 5000 normes applicables à l'industrie automobile, à la fois aux États-Unis et en Europe, et ces normes, encore une fois, étant différentes. Donc si on voulait harmoniser les normes, il faudrait réunir des commissions d'experts, des dizaines de milliers de commissions d'experts qui auraient à travailler pendant des mois et des mois pour harmoniser les normes. Et donc la solution pratique pour éliminer les barrières non tarifaires, ça consiste dans ce qu'on appelle la reconnaissance mutuelle des normes. Chacun dit « Ok, ben, vous avez des normes différentes, mais vos normes à vous sont équivalentes à nos normes, et par conséquent, nous acceptons l'entrée sur notre marché de produits qui correspondent à vos normes, mais pas aux nôtres. » Alors c'est extrêmement redoutable en termes notamment sanitaires, parce que la logique même des normes sanitaires en Europe et aux États-Unis sont radicalement différentes. En Europe, comme vous le savez, le principe de base de la législation sanitaire, c'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Un produit n'est autorisé à la commercialisation sur le marché européen que s'il est sans risque, s'il a été prouvé que ce produit ne présentait aucun risque pour la santé et pour l'environnement. Aux États-Unis, le principe est différent, c'est le principe de l'équivalence des produits. L'équivalence des produits, ça consiste à dire de la viande de bœuf, c'est de la viande de bœuf, que le bœuf en question ait été nourri à l'herbe et au grain, ou que l'on ait ajouté dans sa ration un peu d'hormones de croissance, histoire de le faire croître plus vite. Donc, normes profondément différentes. Deuxième différence majeure en matière de réglementation sanitaire entre les États-Unis et l'Europe. En Europe, nous avons ce qu'on appelle la traçabilité des produits et la surveillance sanitaire tout au long des filières de production. La Commission européenne se vante de ce qu'en Europe, les produits sont garantis sains de l'étable à la table et de la fourche à la fourchette. Aux États-Unis, au contraire, la logique est de décontaminer les produits, de ne pas veiller à la qualité sanitaire des productions tout au long de la chaîne, mais de décontaminer les produits en fin de course. En l'occurrence, ça consiste, par exemple, pour les carcasses de poulet d'être nettoyées à l'eau de Javel pour tuer les germes, ou pour les carcasses de viande bovine d'être lavées à l'acide lactique. La reconnaissance des normes signifie donc en pratique que pourrait être importé sur le marché européen du bœuf aux hormones américains, du porc à la ractopamine américain, toutes sortes d'OGM et également toutes sortes de produits chimiques qui présentent des risques pour la santé humaine. Ce qui est dramatique dans cette affaire, c'est que non seulement si les accords étaient signés et ratifiés, ce que je viens d'indiquer se produirait, mais que d'ores et déjà, avant même la signature de ces accords, la qualité sanitaire en Europe se dégrade parce que l'Union européenne se prépare à la signature de ces accords. Alors on a un exemple qui est tout à fait bien documenté, qui est celui des perturbateurs endocriniens. En 2014, la Commission européenne avait publié un projet de directive qui, en vertu du principe de précaution, interdisait la commercialisation sur le marché européen de produits étant susceptibles d'être des perturbateurs endocriniens. Les lobbies industriels, à la fois aux États-Unis et en Europe, les lobbies notamment de l'industrie chimique, se sont élevés contre ce projet de directive et ont exercé un lobby extrêmement puissant auprès de la Commission européenne pour empêcher la mise en œuvre de cette directive. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que le gouvernement des États-Unis lui-même est intervenu auprès de la Commission européenne pour dire « si vous adoptez cette directive sur les perturbateurs endocriniens, alors nous n'arriverons pas à signer le CETA parce que c'est une question essentielle pour l'industrie chimique ». Résultat des courses, donc ça c'était au printemps 2014, à la fin de l'année 2014, la Commission européenne a remisé au placard son projet de directive et a indiqué que la directive ne serait éventuellement mise en application qu'après une étude d'impact économique de cette directive. Ce qui veut dire en clair, et c'est assez scandaleux, que la Commission européenne met exactement sur le même plan les risques sanitaires, les risques pour la santé des populations et les impacts que cette directive pourrait éventuellement avoir sur l'industrie chimique. En matière de normes et de réglementation sociale, les risques sont également considérables. Il faut savoir que les États-Unis, comme vous le savez probablement, il y a une organisation internationale qui s'appelle l'Organisation internationale du travail, qui a édicté un certain nombre de conventions sur les règles à appliquer en matière sociale. Il faut savoir que les États-Unis n'ont ratifié qu'une seule des quatre conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail et deux seulement sur les 8 conventions prioritaires de l'Organisation internationale du travail. En particulier, les États-Unis n'ont pas reconnu les conventions de l'Organisation internationale du travail, excusez du peu, sur la liberté syndicale et la protection des droits syndicaux, sur les négociations collectives, sur l'inspection du travail, sur l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et sur les discriminations au travail. Donc, et par ailleurs, il faut savoir qu'aux États-Unis, une majorité de la règle d'usage aux États-Unis, c'est ce qu'on appelle le hire and fire, embaucher, licencier, embaucher, virer. Ça veut dire qu'en pratique, la majorité des salariés américains travaillent sans aucun contrat de travail. Donc voilà pour les réglementations, normes et législations qui seraient mises à bas si l'accord de libre-échange et de libéralisation des échanges entre les États-Unis et l'Europe d'une part, entre le Canada et l'Europe d'autre part, était adopté. Troisième volet, la libéralisation des échanges de services ou des marchés des services. Ce que prévoit à la fois CETA et TAFTA, c'est que par principe, les échanges de services, le commerce des services est libéralisé, obéit à la loi de la concurrence libre et non faussée sur l'ensemble de ce grand marché transatlantique, à l'exception d'un certain nombre de secteurs qui sont mentionnés dans une liste, dans une annexe au traité. C'est le principe qu'on appelle la liste négative. Donc, libéralisation généralisée, sauf un certain nombre de secteurs qui sont dans une liste négative, des secteurs auxquels ne s'applique pas la loi de la concurrence effrénée. Deuxième principe inscrit dans le TAFTA, ce qu'on appelle la clause cliquet. À partir du moment, pour ces secteurs qui sont protégés de la concurrence sauvage, toute mesure de libéralisation prise dans l'un ou l'autre de ces secteurs devient irréversible. Alors, conséquence pratique de ces deux clauses. Première conséquence, eh bien, impossibilité de créer un nouveau service public aux États-Unis ou en Europe, puisque ce service n'aura pas été inscrit préalablement dans la liste des exclusions. Deuxième conséquence, à partir du moment où un service serait libéralisé, quelles que soient les conséquences pratiques de la chose, le mouvement deviendrait complètement irréversible. Vous comprenez bien à travers cela que ce projet d'accord présente un risque majeur pour nos services publics, puisque tout service public qui n'aurait pas été inscrit dans la liste négative deviendrait ouvert à la concurrence internationale. Et donc, en pratique, une collectivité publique qui souhaiterait subventionner un service public qu'elle juge intéressant pour la population devrait fournir les mêmes subventions à toute entreprise française, étrangère ou européenne ou états-unienne qui déciderait d'offrir le même service sur le même périmètre géographique. Et deuxièmement, comme je l'ai indiqué, impossibilité de créer tout nouveau service public, puisque ce service public n'ayant pas été inscrit préalablement dans la liste négative, eh bien, ce service ne pourrait pas être considéré comme service public et donc exclu de la concurrence libre et non faussée. Voilà où on en est. Donc, avec un accord Canada-États-Unis qui va venir dans le processus de ratification en septembre prochain, et un accord encore en négociation entre les États-Unis et sur l'Europe qui porte exactement les mêmes principes, qui repose exactement sur les mêmes principes et dont la négociation se poursuit. Alors face à ces risques majeurs sur notre sécurité sanitaire, sur nos services publics, sur le droit du travail, il y a à cet égard des convergences tout à fait évidentes entre le projet de loi El Khomri et la négociation de ces accords internationaux. Face à cela, l'opposition s'organise et les peuples commencent à se rebeller. Des collectifs Stop TAFTA se sont constitués dans les 28 pays européens, aux États-Unis et au Canada. Ces collectifs Stop TAFTA se sont disséminés. En France, nous avons quelque chose comme 150 collectifs of TAFTA, et personnellement, je suis un des animateurs du collectif Stop TAFTA organisé sur le 19e et le 20e arrondissement. Une pétition européenne a été lancée en 2014 et après et à l'heure d'aujourd'hui, 3 525 000 citoyens européens ont signé cette pétition qui demande l'arrêt des négociations sur le TAFTA et le refus de ratifier le CETA. Et puis un nombre grandissant de collectivités locales, de collectivités publiques, se déclare hors TAFTA. Actuellement, il y a en France 650 collectivités publiques, depuis des villages jusqu'à la région Midi-Pyrénées-Languedoc, qui se sont déclarées hors TAFTA, qui déclarent par avance qu'elles refuseraient d'appliquer les règles imposées par ces accords internationaux. Voilà une rapide présentation. Je pense qu'il est temps de vous donner la parole pour des commentaires, des questions. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, je vous invite déjà à vous rapprocher, à venir vous asseoir plus devant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à... Moi, j'avais juste une petite question à vous poser. J'avais entendu parler, alors justement, est-ce que c'est encore d'actualité, que dans le TAFTA, il y avait aussi la mise en place de tribunaux internationaux, en gros, qui remettaient vraiment en cause la souveraineté des peuples. Et c'était une partie du TAFTA qui m'avait vraiment choqué. C'est-à-dire que du coup, les entreprises multinationales pouvaient attaquer les États. Et c'était des tribunaux privés qui se chargeaient de juger les affaires. Et du coup, à ce moment-là, on se demandait vraiment en quoi est-ce que les entreprises du coup étaient jugées de la même manière que les États. Donc ça veut dire qu'en gros, une entreprise est tout aussi puissante a priori qu'un État. Et à quel point en fait ça remet en cause notre souveraineté en tant que peuple et démocratie. Voilà, c'était ma question. Est-ce que c'était encore d'actualité? Oui, c'est effectivement un point important que j'avais oublié de mentionner dans mon exposé. Et c'est tout à fait fondamental, vous avez raison de le souligner. Une des clauses, à la fois dans le traité avec le Canada, donc le CETA, et dans le TAFTA, est que les multinationales qui considèrent qu'une réglementation adoptée par une collectivité publique, que ça soit un État ou une collectivité locale, qui est néfaste à leurs intérêts, c'est-à-dire à leurs profits, a la possibilité de déposer plainte contre cet État ou cette collectivité publique pour demander soit le retrait de la mesure, soit une indemnité financière compensant les pertes qu'elle estime avoir subies. Alors ça, cette disposition, donc, alors cette plainte, elle est déposée devant ce qu'on appelle une instance d'arbitrage, c'est-à-dire trois avocats internationaux, un choisi par l'entreprise plaignante, un autre choisi par l'État, et un troisième choisi de commun accord entre les deux parties. Et cette instance d'arbitrage décide souverainement si l'État a eu tort ou non de prendre la réglementation en question. Et si l'instance d'arbitrage considère que l'État a eu tort, eh bien l'État ou la collectivité publique peut se trouver condamné sans appel possible à soit retirer sa mesure, soit payer des milliards de dollars d'indemnisation à la société en question. Alors cette disposition, elle a été introduite pour la première fois dans un accord international qui est l'ALENA, l'accord nord-américain de commerce et d'industrie entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et donc en 1999, depuis lors, on a recensé 696 cas de plaintes déposées par des multinationales contre des États ou contre des collectivités publiques. Alors quelques exemples de ces plaintes, Veolia, entreprise multinationale à base française, a déposé plainte contre le gouvernement d'Égypte parce que celui-ci a décidé d'augmenter le salaire minimum. Donc Veolia considère que la décision du gouvernement des États-Unis, d'Égypte, d'augmenter le salaire minimum diminue ses profits et demande que le gouvernement égyptien compense la perte de profit que représente pour Veolia l'augmentation du salaire minimum en Égypte. Autre exemple, Vattenfall, qui est une entreprise énergéticienne, a déposé plainte contre le gouvernement allemand pour sa décision de sortir du nucléaire et réclame des milliards de dollars en disant « mais dans ces conditions, L'amortissement de mes centrales nucléaires en Allemagne sera réduit en durée. Je demande la compensation financière. Le même Vattenfall, alors c'est un cas intéressant, le même Vattenfall a déposé plainte contre le Land de Hambourg qui avait décidé de durcir la réglementation sur les rejets de polluants dans l'Elbe. Or, Vattenfall a une centrale à charbon dans la région de Hambourg et rejette dans l'Elbe de l'eau qui est à la fois polluée et à haute température. Le Land de Hambourg avait donc adopté une nouvelle réglementation en disant que ça n'est plus tolérable, il faut que vous changiez votre façon de faire. Vattenfall a déposé plainte et menacé le Land de Hambourg de milliards de dollars d'indemnité. Et finalement, le Land de Hambourg a fini par battre en retraite en disant « Ok, on maintient notre réglementation, mais uniquement pour les nouvelles installations industrielles qui seraient créées après l'adoption de cette réglementation. » Et par conséquent, Vattenfall n'est pas soumis à cette réglementation et peut continuer à rejeter dans l'Elbe des polluants et de l'eau chaude. Autre exemple, et ce sera le dernier, Philip Morris, le fameux cigarettier, a déposé plainte à la fois contre le gouvernement de l'Uruguay et contre celui de l'Australie pour avoir adopté une législation sur les paquets de cigarettes qui réduit la taille du fabricant sur les paquets de cigarettes. Voilà. Et bien entendu... Oui, alors, donc possibilité pour les multinationales de déposer plainte contre les États, sans possibilité d'appel si les États ou les collectivités publiques sont condamnés. Et il y a un autre volet que j'aurais mentionné, que j'ai aussi oublié de mentionner, c'est la création, à la fois dans TAFTA et dans CETA, de ce qu'ils appellent un conseil de coopération réglementaire. Alors le conseil de coopération réglementaire, c'est un groupe de fonctionnaires européens d'une part et fonctionnaires américains d'autre part, ou fonctionnaires européens et fonctionnaires canadiens, qui vont examiner ensemble l'état des réglementations et des projets de réglementation dans les deux zones. Et ces fonctionnaires, donc ces personnes non élues, vont décider « Ah ben telle réglementation, non, elle est défavorable aux échanges internationaux, donc vous, État, ou vous, collectivité publique, vous n'avez pas le droit de prendre telle réglementation. » Et ils vont même porter leur examen sur les réglementations et législations existantes en disant « Ah mais telle réglementation prise en France n'est pas favorable aux échanges internationaux, par conséquent la France doit modifier sa réglementation dans tel ou tel sens. » Et on retrouve encore une fois la loi El Khomri et les ajustements qui sont imposés à nos systèmes réglementaires, sanitaires ou environnementaux pour le seul intérêt du commerce international et des multinationales. Moi, j'ai une question qui reprendra en partie ce dont vous avez parlé concernant les services publics. Faut savoir que la France, en 1944, a défini un certain nombre de choses qu'elle appelait des services stratégiques de l'État. Donc c'était les transports, c'était l'industrie d'armement. Et je veux savoir, est-ce que le traité transatlantique sur ça, est-ce qu'il a un droit de regard carrément disant en fait les secteurs stratégiques n'existent plus? En fait, ça veut dire que clairement on peut avoir des moyens de transport type, je sais pas, la SNCF qui est de moins en moins un service public, d'ailleurs qui n'est presque plus. Ça veut donc dire qu'à partir de là, en fait, les services stratégiques n'existent plus. En fait, les États sont complètement soit interconnectés, soit dépendants d'États plus grands. Et en fait, un État ne pourra juste plus décider, en fait, clairement de sa destinée sur les grands secteurs. Est-ce que ça rentre dans les services publics? Est-ce que c'est un truc encore à part? Est-ce que c'est une annexe de cette annexe? Comment ça fonctionne vis-à-vis de ça? Alors, chaque gouvernement ou grande collectivité publique, dans le cas du Canada, par exemple, qui est un État fédéral, c'est aussi le cas des États canadiens, déclare dans la liste, dans le cours de la négociation, dit « Ah ben moi, je souhaite que tel ou tel secteur de service soit protégé de la concurrence libre et non faussée. » Le gouvernement français en particulier s'est fort vanté du fait qu'il avait protégé la culture en demandant que la culture soit inscrite dans les secteurs protégés de l'annexe de TAFTA. En réalité, ils n'ont demandé la protection que du seul secteur audiovisuel et tout le reste, et en particulier, ça intéresse, je ne sais pas s'il y a des libraires ou des lecteurs dans l'Assemblée ici, mais ça concerne très directement la loi langue sur le livre qui tomberait si le TAFTA était signé ou si le CETA était signé, puisque ce serait discriminatoire vis-à-vis de Amazon ou autres vendeurs de livres, et que le secteur n'est pas expressément mentionné comme étant un des secteurs qui échappe à la généralisation de la concurrence libre et non faussée. Donc il y a un danger extrêmement important pour l'ensemble des services publics ou des services considérés comme stratégiques, à partir du moment où les gouvernements ne demanderaient pas expressément et n'obtiendraient pas dans la négociation que ces secteurs soient inscrits dans les secteurs exclus de la concurrence libre et non faussée. Alors c'est assez d'ailleurs assez remarquable dans le cas du CETA, donc de l'accord Canada-Europe. On a maintenant le texte de l'accord. Alors l'accord lui-même doit faire quelques 200 pages. Avec les annexes, ça fait 1500 pages parce que tel ou tel État canadien a demandé qu'on exclue le service des ambulances ou qu'on exclue l'enseignement primaire ou qu'on exclue tel ou tel sous-secteur de son activité. Mais ce qui est assez dramatique dans cette affaire, c'est qu'encore une fois, donc les États doivent être extrêmement exigeants sur les secteurs qu'ils protègent. On n'a pas l'impression que le gouvernement français soit particulièrement monté au créneau là-dessus. Surtout, les sont tenus dans l'ignorance absolue de ce qui se négocie actuellement. Donc, on ignore complètement quelles exceptions, quelles protections contre la concurrence libre et non faussée le gouvernement français exige. Le seul qu'il ait mentionné est encore une fois celui de l'audiovisuel. Pour le reste, on ne sait absolument pas ce que demande le gouvernement français en termes de protection des services publics dans le cadre de la négociation avec les États-Unis et avec le Canada. Je voulais ajouter quelque chose, mais qui me sort de la tête pour le moment. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Moi, c'est pas une question, juste une information. Donc, je suis de Dromardèche. Donc, comme l'agriculture va prendre un grand coup sur la gueule, j'ai l'impression. Donc, je pourrais acheter un picodon, un bon picodon venant des États-Unis, dans peu de temps. Alors, on sait que dans la négociation, il y a un certain nombre de points durs, à la fois pour les Européens et pour les États-Unis. Les États-Unis en particulier sont vent debout contre ce qu'on appelle les indications d'origine protégées. Vous savez qu'aux États-Unis, on peut vendre du champagne fabriqué en Californie, mais ce champagne californien ne peut pas être exporté en Europe parce que la législation européenne protège l'appellation d'origine champagne. Si l'accord était signé et si les États-Unis obtenaient gain de cause là-dessus, on pourrait en effet boire en Europe du champagne californien et des fromages camembert ou fromage drômois produit en Arizona ou au Texas. Ça, c'est un point très dur. Les Américains sont extrêmement intransigeants sur cette question. Ils veulent absolument la disparition des indications d'origine protégée. Donc, on parlait de la qualité sanitaire des produits. En termes aussi de qualité gustative des produits, c'est tout à fait fondamental de notre mode de vie et de ce que nous aimons. Et bien entendu, ça fait beaucoup de peine aux multinationales qui aimeraient bien pouvoir vendre leur malbouffe sans aucune espèce de restriction sur le marché européen. Oui, j'arrive, donc je ne sais pas si vous avez déjà parlé de l'ISDS. J'ai une autre question en fait concernant le TISA. Donc TISA, TAFTA, TISA c'est plus précisément sur le service public, et particulièrement les services publics de l'éducation qui m'intéressent particulièrement, mais en général les services publics. Donc les services publics seraient mis en concurrence avec le privé. Je ne sais pas si vous pouvez nous développer cette idée-là. Alors, ISDS que mentionnait madame, qui a l'air d'être une experte, c'est Investor State Dispute Settlement. C'est cette procédure qui permet à des multinationales d'attaquer les États si elles considèrent que les États et les collectivités publiques, si elles considèrent qu'un État ou une collectivité publique a adopté une réglementation qui est contraire, qui est néfaste au niveau de leurs profits. Le TISA, alors effectivement, dont j'ai pas parlé, mais il faut savoir qu'il y a des il y a des dizaines et des centaines de des centaines d'accords internationaux sur le commerce bilatéraux et multilatéraux qui se signent. Le TISA, c'est un projet d'accord qui est actuellement négocié entre l'Union européenne et 25 autres pays à travers le monde sur, en effet, le commerce des services. Ce conseil de TISA, encore une fois, toutes ces négociations sont entourées d'un épais secret. Il faut savoir, il faut savoir que s'agissant du TAFTA, par exemple, les députés européens qui sont en principe directement concernés puisqu'ils vont avoir à ratifier, n'ont pas accès, ou du moins ont depuis peu de temps accès aux documents de négociation, c'est-à-dire des piles de documents absolument monstrueuses, dans un local sécurisé, et à condition, sous la surveillance d'un agent de sécurité de la Commission européenne, et à condition d'entrer dans ce local sans stylo, sans bloc-notes, sans téléphone, sans appareil photo. Donc sans aucune possibilité de prendre des notes concrètes des documents de négociation qu'ils sont en train de consulter. Le TISA, donc, c'est un projet d'accord sur les services. L'esprit général est assez voisin de ce que j'ai indiqué pour TISA, pour TAFTA et pour CETA. C'est-à-dire que la règle générale, c'est l'ensemble des activités de service sont ouverts à la concurrence internationale, libre et non faussée, sauf mentionnés dans une liste annexe à l'accord. C'est-à-dire que tout service qui n'est pas mentionné expressément par un des gouvernements signataires comme étant protégé de la concurrence libre et non faussée entre dans le champ de la concurrence libre et non faussée. Alors, la concurrence libre et non faussée, ça veut dire qu'il ne peut y avoir aucune discrimination de traitement entre les différents opérateurs du secteur donné. Dans le cas de l'éducation en particulier, si l'éducation n'est pas dans la liste des exclusions à la concurrence libre et non faussée, ça veut dire que un État ou une collectivité publique qui subventionnerait l'éducation publique devrait assurer le même niveau de subvention à tout opérateur fournissant des services d'enseignement, que ce soit au niveau du primaire, du secondaire ou de l'enseignement supérieur. Sinon, au terme de l'accord, une université américaine, par exemple, pourrait déposer plainte devant un tribunal d'arbitrage en disant « Mais les universités publiques françaises reçoivent des subventions. Moi, je suis une université privée. Je fournis le même service. Donc, j'ai droit aux mêmes subventions. Sinon, il y a discrimination entre moi et les opérateurs publics. » C'est ce qu'on appelle le principe de la... Le traitement national, voilà, c'est ce qu'on appelle le principe du traitement national. Toute entreprise étrangère doit pouvoir bénéficier, dans tout pays où elle opère, du même traitement que les entreprises nationales. Et en particulier, si les entreprises nationales bénéficient de subventions, elles doivent pouvoir bénéficier du même niveau de subvention. Je reviens une seconde sur le bœuf aux hormones. Il faut savoir que... Donc, aux États-Unis, les élevages utilisent assez abondamment des hormones de croissance pour avoir une croissance plus rapide du bétail. Les États-Unis ont déjà, et en Europe c'est jusqu'à présent interdit, les États-Unis ont déjà déposé plainte devant l'Organisation mondiale du commerce contre le refus des Européens d'importer du bœuf aux hormones. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe a été condamnée devant l'Organisation mondiale du commerce pour son refus d'importer du bœuf aux hormones. Les États-Unis ont été autorisés à prendre des mesures de rétorsion, ils en ont prises, et puis après un certain temps, un accord à l'amiable est intervenu entre le gouvernement des États-Unis et l'Union européenne, au terme duquel l'Europe a accepté d'augmenter le volume de ses importations de viande bovine américaine, mais en maintenant une exclusion sur le bœuf aux hormones. Si TAFTA et CETA étaient signés, l'exclusion en question sauterait et plus rien ne nous protégerait contre la consommation de bœuf aux hormones, de poulet lavé à l'eau de Javel et de carcasses lessivées à l'acide lactique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? N'hésitez pas à vous avancer parce que vous voyez, il y a une ligne qui se met derrière. On écoute ce que vous dites en même temps qu'on travaille, mais là, ça va être le comité logistique. Une fois que la logistique est positionnée, on n'était pas là avant, mais maintenant, on sera là. On va amener le camion là-bas et on va décharger pour les gens. Donc moi, je vous laisse parler parce que pour l'instant, on met pas les bâches. Mais le volume qu'on va prendre, c'est le triangle qui est derrière vous et ce triangle-là. Donc pour l'instant, vous êtes là, ça pose pas de problème. On va même pas vous demander de nous aider. On a du monde. On va mettre nos bâches et on vous laisse et on écoute en même temps. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport au TAFTA? Alors, c'est pas une question, c'est juste un point. Je viens de la part de la commission économie politique qui se tient là-bas aujourd'hui pour vous renseigner sur la page Facebook de la commission économie politique que vous pouvez trouver sur le Wikipédia de Nuit Debout. Il y a un texte d'opposition au TAFTA qui sera proposé en AG, d'accord, quand le protocole de vote sera trouvé, quoi. Et donc si vous voulez penser à l'avance à des amendements ou si vous voulez penser à ce que vous allez complètement vous opposer parce que vous êtes pour le TAFTA ou je sais pas quoi, ce serait voilà, vous pouvez aller sur la page Facebook de Nuit de Commission Économie Politique ou sur le wiki de Économie Politique et vous trouverez ce texte d'opposition. Voilà. Je voudrais ajouter deux choses. La bataille qu'on a engagée contre TAS, ça peut ressembler à la bataille du pot de terre contre le pot de fer. Il faut savoir quand même qu'il y a des précédents d'accords internationaux qui ont été annulés, enfin, qui ont été mornés grâce à la résistance des peuples. Il y a en particulier deux exemples. En 1998, il y a eu le projet d'accord qui s'appelait l'accord multilatéral sur l'investissement, qui était proposé à l'époque par l'OCDE, qui comprenait d'ailleurs un certain nombre de dispositions qu'on retrouve aujourd'hui dans TAFTA sur la protection des investissements et la possibilité notamment des multinationales de déposer plainte contre les États. Cet accord a été torpillé par la résistance populaire et n'a jamais été adopté. Et plus récemment, en 2012, le Parlement européen a refusé de ratifier un accord qui était un accord contre la contrefaçon. Alors ça a l'air bien de lutter contre la contrefaçon. En l'occurrence, à travers l'interdiction de la contrefaçon, cet accord qui s'appelait l'ACTA avait pour effet d'interdire pratiquement les semences paysannes, d'interdire les médicaments comment ça s'appelle génériques. Et d'interdire comme ça un certain nombre de choses. La protestation des populations, des groupes de pression, des associations a fait que le Parlement européen finalement a refusé de ratifier cet accord. Donc il y a des exemples d'accords internationaux portés par les multinationales et dont on a réussi à empêcher qu'ils soient ratifiés et mis en œuvre. La deuxième information que je voulais donner, c'est qu'un peu plus tard, entre 16h et 18h, on sera quelque part par là, les comités Stop TAFTA de Paris avec des affiches et du matériel d'information. Donc, si vous voulez venir de nouveau en discuter plus avant avec nous ou vous fournir en matériel explicatif, on est à votre disposition. Allez, il reste encore pas mal de temps de débat, donc n'hésitez pas pour poser des questions. Du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quels sont nos moyens de lutter par rapport à un truc comme ça, à notre niveau? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le TAFTA? Alors, ce qu'on peut faire d'abord, c'est de rejoindre un des collectifs Stop TAFTA à travers la France. J'ai expliqué qu'il y en avait 150. À Paris, il y en a notamment trois. Un sur le 19e, 20e, un sur le 15e et un sur le 14e. On peut alerter la population, faire savoir aux gens, tout le monde n'est pas encore au courant de ce que sont TAFTA, CETA, et en particulier peu de gens sont au fait de ce que il va y avoir des votes décisifs au mois de septembre prochain au Conseil européen et au Parlement européen pour l'adoption du CETA. Or, si le CETA a été ratifié, c'est la porte ouverte à TAFTA. À partir du moment où on aura accordé un certain nombre de choses au Canada, on n'aurait plus aucune raison de refuser la même chose aux États-Unis. Et par ailleurs, les multinationales états-uniennes, à travers leurs filiales au Canada, pourraient attaquer les gouvernements européens. Donc c'est la porte ouverte au pire. Alors ce qu'on peut faire surtout, c'est une pression sur les gouvernements. pour qu'il refuse de ratifier. Alors si le Luxembourg refusait de ratifier, ce serait peut-être pas très grave. Si la France ou l'Allemagne refusait de ratifier, ça aurait certainement un poids important et ça mettrait définitivement du plomb dans l'aile dans ces accords. Et d'autre part, le deuxième niveau de ratification, le Parlement européen. Et là aussi, on peut exercer des pressions sur les parlementaires, notamment les parlementaires français, mais les autres de nationalité aussi. Des autres nationalités aussi, pour qu'ils refusent de ratifier cet accord. Alors, rassurez-vous, les collectifs Stop TAFTA ont la plume et l'ordinateur à la main en permanence pour harceler à la fois les gouvernements et notamment en France le secrétaire d'État au commerce, Monsieur Feckel, pour lui expliquer que tout ça est absolument inacceptable. Alors, il semble d'ailleurs que ça commence à flancher un peu du côté du gouvernement français. On ne sait pas dans quelle mesure c'est de l'intox et dans quelle mesure c'est réel ou dans quelle mesure ça traduit le souhait ou le désir de François Hollande de se refaire une virginité à gauche. Le gouvernement français laisse filtrer en ce moment que éventuellement il pourrait ne pas ratifier le TAFTA si un certain nombre d'intérêts de l'économie française et en particulier notre agriculture n'étaient pas solidement protégés dans l'accord signé avec les États-Unis. C'était pour faire un point comme quoi il y a une forme de convergence, on va dire, autant à droite, en fait, une partie de la droite en France qu'à gauche. Il faut savoir qu'en France, certains souverainistes qui peuvent être de droite et de gauche, en fait, sont aussi contre le TAFTA pour les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure, en particulier le secteur stratégique. J'avoue, pour avoir parlé du coup des militaires assez placés qui me disaient qu'en fait, ça voulait juste dire qu'en fait, la France, en cas de conflit majeur, pourrait juste en fait diriger rien du tout. Et en fait, serait victime de rapports de force. En fait, on perdrait notre destinée, ce qui rejoignait la souveraineté, comme vous en parliez tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est pas non plus, je vais parler en termes un peu crus, c'est pas quelques gauchistes illuminés qui disent juste on doit pas faire le TAFTA. Au sein de la société, ça va quand même dans toutes les couches. J'ai malheureusement l'impression qu'une partie du gouvernement, là, en fait, le fait par calcul politique. C'est pour ça que je vous ai vu assez pensif quand vous aviez dit que Hollande disait peut-être qu'il allait faire en sorte de pas le faire. Je pense qu'il faut, au moment du vote, c'est là où ça se décidera et c'est là où je pense toutes les voix seront bonnes à prendre. Après, c'est mon avis. Oui, et dans le même esprit, le référendum en France en 2005 sur le traité constitutionnel européen, il y a eu une majorité de plus de 60% hostile à ce traité qui réunissait à la fois des voix de gauche et des voix souverainistes de droite. On n'a pas, si on est d'accord sur un certain nombre de choses, on n'a pas de raison de refuser particulièrement les voix de ceci ou de cela. Mais donc tout ceci pour dire que la bataille continue, qu'elle s'intensifie même avec l'approche de la procédure de ratification de CETA et que toutes les bonnes volontés sont volontiers accueillies pour exercer une pression croissante. Alors il faut quand même savoir que j'ai parlé de la pétition européenne, 3 525 000 citoyens européens ont voté contre cette pétition, dont 320 000 Français. C'est pas énorme, on devrait pouvoir faire mieux. La pétition est toujours ouverte à la signature, et donc si vous n'avez pas encore signé, allez signer la pétition. Non. Est-ce qu'il y a une chance que les accords, enfin le contenu de ce qui est en train de se discuter, soit public un jour ? Est-ce qu'il y a un moyen de faire pression pour que ça devienne un... Parce que c'est difficile de contrer quelque chose dont on ne connaît pas le contenu. Alors, s'agissant de l'accord avec texte, il est maintenant public. Il a d'abord été rendu public par le gouvernement canadien, en français et en anglais. Un peu après par la Commission européenne, mais seulement dans la version anglaise, on a désormais le texte définitif. Or, on a par ailleurs, alors sur le TAFTA, on a le mandat de négociation que les 28 États membres, les 28 gouvernements des États membres, ont donné à la Commission européenne. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans ce mandat de négociation, il y a à peu près toutes les clauses qu'on retrouve dans le CETA. Donc on a toute raison de penser que le CETA est la matrice de ce que pourrait être l'accord avec les États-Unis. S'agissant du mandat de négociation, une anecdote qui mérite quand même d'être rapportée. Donc la négociation a été commencée en septembre 2013. Le mandat de négociation a été donné à la Commission européenne des États membres en juillet 2013. Et la Commission européenne a refusé de communiquer, de rendre public le mandat de négociation qui lui avait été donné. Peu de temps après, Dieu merci, il y a des lanceurs d'alerte et le mandat de négociation a été connu. La Commission européenne s'est donné le ridicule d'attendre un an avant de rendre elle-même public le mandat de négociation et de reconnaître que ce qui avait fuité était bien le mandat de négociation. Pendant un an, elle s'est maintenue dans la position « nous ne confirmons ni n'infirmons que le document qui a fuité est bien le mandat de négociation ». Ceci étant une bonne illustration de la démocratie telle qu'elle se pratique aujourd'hui en Europe. Juste dire aussi que du côté américain non plus, ils sont pas très, la population américaine n'est pas très enthousiaste parce que pour l'instant, les Américains, contrairement à ce qu'on croit, ils sont très libéraux pour les autres, mais très protectionnistes pour eux-mêmes. Et leur marché public, certains États ont un marché public extrêmement protégé. D'ailleurs, on l'a vu, je crois que c'est la SNCF qui essaye d'entrer sur le marché public américain et qui n'y arrive pas. Donc, du côté américain, on peut trouver des alliés aussi du côté du peuple américain, je pense. Oui, alors vous mentionniez les marchés publics aux États-Unis. Les marchés publics aux États-Unis sont extrêmement protégés. Il y a une loi qui s'appelle le Buy American Act, qui fait obligation à toutes les institutions qui reçoivent des subventions de l'État fédéral américain, c'est-à-dire les 50 États américains et un tas d'institutions culturelles, de recherche scientifique et autres, sont obligés d'acheter uniquement des produits fabriqués aux États-Unis. Alors, qui peuvent ne pas être entièrement fabriqués aux États-Unis, ils peuvent être fabriqués aux États-Unis à partir de pièces ou de matières premières importées d'ailleurs, mais ils doivent être manufacturés aux États-Unis. Et alors ça, c'est un des grands enjeux de la négociation. Depuis le début, la Commission européenne dit la signature du TAFTA va ouvrir aux entreprises américaines l'immense marché des marchés publics, l'immense réservoir des marchés publics américains. Sauf que les États-Unis ne sont pas disposés à ouvrir ce marché, sinon au compte-gouttes. Et ce qu'on sait aussi, alors là aussi à travers des fuites, c'est que le deal, quel est le mot français, la base de négociation que la Commission européenne a proposée aux États-Unis, c'est on vous ouvre nos marchés agricoles si vous nous ouvrez vos marchés publics. Je serais la FNSEA, je serais quand même un peu inquiet et je monterai au créneau. Alors, il reste à peu près 10 minutes de débat, donc si vous avez d'autres questions à poser là-dessus, n'hésitez pas. Et même si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, au contraire. Comment on peut faire pour sortir de ce piège ? Eh ben, on peut exercer une pression grandissante sur à la fois notre gouvernement, nos députés européens, nos députés nationaux. Alors, à propos des députés nationaux, une petite parenthèse. Donc, TAFTA ou CETA seront dans un premier temps ratifiés par le Conseil des ministres européens et par le Parlement européen. Dans un deuxième temps, ils devraient passer devant les parlements nationaux. Sauf que, encore une fois, exemple de la démocratie à la mode européenne, tout ça est complètement bidon parce que la Commission européenne a mis en place et a fait accepter par les gouvernements une jurisprudence qui est que ces accords internationaux sont appliqués de manière provisoire avant même qu'ils n'aient été ratifiés par les parlements nationaux. Ça se fait actuellement, par exemple, pour un accord entre l'Union européenne et la Colombie, un accord entre l'Union européenne et la Corée. Ces accords n'ont pas encore été ratifiés par les 28 parlements nationaux. Néanmoins, ils sont d'ores et déjà d'application dite provisoire. Donc, c'est dire l'importance qui est donnée par la Commission européenne à l'avis des parlements nationaux et des gouvernements nationaux. Donc la bataille essentielle, il faut la mener auprès des gouvernements, et donc auprès d'une autre qui quand même commence à flancher un peu apparemment ou qui se pose un certain nombre de questions, et auprès des parlementaires européens. Et là, si vous êtes dans un collectif Stop TAFSA, on ne manquera pas de vous proposer des lettres à la signature à envoyer aux parlementaires européens. Il faut savoir que à part bien entendu les députés de droite, mais les députés, y compris socialistes, au Parlement européen, ont beaucoup de doutes, d'hésitations sur ces accords internationaux, et vite, mais ils sont très isolés au sein de la social-démocratie européenne, qui est massivement en faveur de ces accords. Donc il faut aussi exercer des pressions sur les parlementaires d'autres nations européennes au Parlement européen. Oui, alors il y a eu une grande pétition qui fonctionne encore, qui a recueilli 3 525 000 signatures en Europe, dont... Pardon ? Vous tapez dans... pas dans Google, parce que c'est une saloperie Google, mais dans DuckDuckGo ou quelque chose comme ça, vous tapez Stop TAFTA et vous serez amené à la pétition. Oui. Faut quand même pas faire gagner de l'argent à Google. Ils en gagnent assez comme ça et ils ne payent pas d'impôts en plus. Il reste encore à peu près 5 minutes. Voilà, s'il y a d'autres questions par rapport au TAFTA, des propositions sinon. Comment ? La tentation, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire qu'il faut sortir de l'Union européenne. Et tout d'un coup, voilà, on n'a que deux votes possibles. Heureusement, on a un vote Mélenchon possible. Il y a Le Pen, Mélenchon. Mais, enfin, voilà, quoi. C'est le premier réflexe que je pense qu'on va être nombreux à avoir, peut-être. Donc, enfin, voilà, je préfère le dire à voix haute, me dire qu'il y a des pétitions, qu'on peut peut-être faire mieux que ça, qu'il y a aussi un Conseil de l'Europe, qu'il faudrait remettre le budget de l'Union européenne sur le Conseil de l'Europe. C'est quelqu'un qu'on a débattu il y a quelques jours ici. Voilà, donc nous aider à trouver des solutions autres que le vote soit extrême gauche, soit extrême droite, suivant les goûts. Oui, alors le débat sortir ou non de l'Europe et sortir ou non de l'euro est un tout autre débat dans lequel j'ai pas envie de m'engager actuellement. Bon, je m'en tiens à un domaine que je connais un peu. Moi, j'ai peut-être une petite question par rapport au Mexique, au traité qu'il y a eu entre les États-Unis et le Mexique. Est-ce qu'on a des exemples de combats qui ont été menés au Mexique ou des retours sur depuis que ce traité a été adopté au Mexique, comment ça s'est passé pour eux, et est-ce qu'on peut pas s'inspirer de ce qui s'est déjà... Oui, alors une des raisons pour lesquelles, en particulier les syndicats américains, la FL-CIO, sont extrêmement réticents vis-à-vis du TAFTA, c'est qu'ils ont en effet l'expérience de l'accord... l'ALENA, donc l'accord de libre-échange nord-américain entre Mexique, États-Unis et Canada. Si vous avez l'occasion de le voir, il y a un film absolument superbe de Marie-Monique Robin, qui s'appelle « Les déportés du libre-échange » et qui explicite les effets de l'ALENA sur les paysans mexicains. Il faut savoir que avant la signature de l'ALENA, le Mexique était autosuffisant en matière de maïs, qu'à la suite de l'ALENA, le Mexique est devenu un massif importateur de maïs américain. Que ça a ruiné des centaines de paysans mexicains. Lesquels paysans mexicains, le film démontre ça très bien, n'ont pas eu d'autre solution que d'essayer d'émigrer aux États-Unis en passant la frontière illégalement. Qu'arrivés illégalement aux États-Unis, ils ont été employés comme le sont les émigrés ici sans papier, c'est-à-dire à des salaires de misère, et que ça a fait baisser, ça a détruit énormément d'emplois aux États-Unis, et que ça a fait baisser le salaire des salariés américains sans qualification. À l'occasion de l'ALENA, le gouvernement américain avait créé un fonds spécial d'indemnisation des chômeurs devenus chômeurs à la suite des conséquences de l'ALENA. Bon, c'est pas évident de faire la preuve quand vous êtes chômeur que vous avez été rendu chômeur par l'ALENA. moyennant quoi 1 million de salariés américains ont bénéficié de ces indemnisations du chômage. Ce qui prouve que dans une définition extrêmement restrictive des effets de l'ALENA aux États-Unis, 1 million de salariés américains ont perdu leur emploi du fait de l'ALENA. Une dernière question ? Oui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un engagement que toutes les associations, tous ceux qui parlent, et je crois que l'engrenage est enclenché. Ça prendra un peu de temps, mais on y arrive. Parce qu'après tout ce que je vois, le cœur, tout ce que tout le monde peut y mettre, c'est génial. Je crois que c'est engagé, c'est la porte s'est ouverte. Voilà, merci monsieur. Je vous laisse conclure. Alors, parlez-en autour de vous. Si repassez nous voir en fin d'après-midi, prenez des tracts et diffusez-les autour de vous. Rejoignez les collectifs Stop TAFSA, faites tout le bruit possible et imaginable autour de cette affaire. Et dès que vous avez l'occasion de rencontrer ou d'écrire à un parlementaire national ou européen, attirez son attention sur les risques considérables que ces projets d'accord font peser sur nos modes de vie. Merci beaucoup.